fin de dernière, c'est la musique. Bon, la manipulation de l'énergie financière, ça me tentait de demander à ceux qui organisent les titres ici de changer ça et de mettre la manipulation de l'énergie humaine par l'énergie financière. Parce que depuis que on est capable de transporter 1000 vaches dans sa poche, un billet de 1000 $, disons, eh bien, l'être humain s'est laissé énormément manipuler par l'énergie financière. Chaque fois que nous donnons une conférence, j'ai déjà fait des séminaires sur l'organisation. Et 80% des personnes qui s'inscrivaient, c'était des personnes qui pensaient avoir des trucs pour devenir riches rapidement. Alors que ce que je donnais, c'était des trucs pour cesser d'être désorganisé. L'énergie financière, premièrement, il faut bien comprendre que l'argent est une énergie. C'est elle qui permet à toute la planète de, non pas de tourner, mais de vivre. Même les pays pauvres sont supportés par l'énergie financière. Les pays riches, ça va de soi. Toute l'industrie de notre planète est supportée par cette lubie qu'est l'énergie financière. Imaginez que sur la planète Terre, nous construisons des maisons en échange d'absolument rien, pas du papier. Il y a même des personnes qui, à la bourse, achètent du papier qui a encore moins de valeur. Ce sont des papiers qui ne sont pas payables aux porteurs. Ce n'est pas de l'argent, mais ce sont des valeurs financières. Lorsque nous bâtissons une maison ou lorsque vous achetez une maison, eh bien, vous prenez de l'argent, un papier qui symbolise le potentiel matériel d'une planète, on peut dire d'une société, mais finalement, notre argent vaut comparativement à l'argent de l'autre pays, qui lui vaut comparativement à l'autre pays. Finalement, c'est un potentiel matériel planétaire. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai déjà expliqué ici, très rapidement, on va faire un petit peu de bruit. Voyez-vous, il manquait d'énergie financière quand ils se sont procurés ces connexions. Bon. Alors, je suis dans un pays relativement naissant. C'est pas tout à fait comme ça que le phénomène financier marche, mais c'est plus ou moins exactement comme ça. Où nous sommes deux personnages. Moi, je cultive, par exemple, et lui, il fabrique des meubles et des maisons. Eh bien, je cultive et j'entretiens du bétail. Et quand je veux avoir une maison, eh bien, je vais voir le bonhomme qui fait les maisons, et puis je lui dis, ben, je veux une maison. Alors, lui, il me dit, bon, ben, si tu veux la maison, moi, je vais travailler, mais en échange, étant donné que je n'aurai pas le temps de manger, enfin, d'entretenir ma cour ou de chasser, eh bien, tu vas me fournir en alimentation tout le temps que je vais bâtir ta maison. Ça, c'est le premier échange financier, puis possiblement la première fois que quelqu'un s'est fait avoir. Parce que là, il est payé à l'heure, l'autre. Alors, il commence à bâtir la maison, puis moi, je l'alimente. Fait que plus il prend son temps, plus ça prend de temps, plus il va l'alimenter longtemps. Ça, je vous dis, c'est la première fois aussi que quelqu'un se faisait avoir dans une transaction financière. Quand il a fini ma maison, eh bien, je cesse de l'alimenter. Alors, pendant qu'il bâtissait la maison, moi, je m'occupais de mes champs et de mon bétail. À un moment donné, ben, le bonhomme, il a faim maintenant. Il n'y a plus de maison à construire les deux dans cette société. Alors, il vient me voir et il dit, tu n'aurais pas besoin d'une table. Ben, je dis, j'ai déjà une étable. Ben, il me dit, il y a une table avec des chaises pour que tu puisses t'asseoir. Non. Alors, il me dit, oui, mais quand tu manges, ben, je m'assois à terre, puis je mange à terre. Mais tu serais plus confortable sur une chaise, à manger à une table. Il est en train de créer le besoin, bonhomme. Parce qu'il a besoin d'aliments. Il a besoin de bœuf, il a besoin de plantes, de blé. Alors, il est en train de créer chez moi le besoin. Je n'ai pas besoin de table, ni de chaise. Oh, puis finalement, ben, il me dit, regarde, t'as tellement de champs et de bétail que finalement, ça pousse pour rien. Alors, si tu m'en donnes un peu, moi, je vais te fournir une table, des chaises. Si je ne veux pas encore, le gars va commencer à maigrir. Mais il va maigrir, et s'il est relativement intelligent, ou s'il comprend la mécanicité de l'énergie financière, il ne maigrira pas longtemps. Il va fabriquer une table, des chaises, il va fabriquer des bureaux, un lit, il va mettre ça dans sa cuisine, dans sa chambre. Puis après ça, il va dire, « J'ai rien mangé, mais je t'invite à manger. » Fait que là, moi, je sais pas trop si j'y vais, mais ben oui, t'amènes deux, trois œufs. On va jaser un peu chez moi. Viens visiter que ça a de l'air chez nous. Fait que là, vu que le besoin n'a pas marché, il se l'est construit. Pour lui, c'est pas du luxe. C'est une nécessité. Mais moi, si j'achète, ça sera du luxe. Alors, je m'en vais chez lui, j'amène mes trois, quatre œufs. Et puis, je m'assois sur une chaise pour la première fois. Alors, je tire la table à moi. Ben, il m'explique qu'il faut avancer la chaise à la place, parce que sinon, ben, on est deux face à face, on va créer des problèmes. Pour faire des bonnes transactions, il faut s'entendre, n'est-ce pas? Et puis là, je découvre la table où je peux m'accoter, je découvre la chaise, je découvre que son linge ou ses peaux ne traînent pas, sont dans un bureau. Je découvre que lui, il a pas mal au dos le matin parce qu'il dort pas à terre, il dort dans un lit. Puis là, je me dis, ben, ça a de l'allure. Fait que là, je lui commande une table, des chaises, un lit, etc. Puis il est pas fou. Il dit, bon, ben, pas de problème, on déménage tout de suite. Fait que là, il vide sa maison. Puis il revient avec des animaux. Là, je me dis, j'ai tout pris ce qu'il y avait chez lui. Ben, je suis plus riche que lui. Moi, j'ai encore du bétail, puis j'ai des meubles. Lui, il a du bétail pour pas longtemps, puis il n'y a plus de meubles. Ce que je sais pas, c'est qu'il a pris de l'expérience en faisant les miens. Les miens vont souffrir de ce qui existe encore aujourd'hui. Ils vont souffrir de malformations. C'est-à-dire que ma table va s'user rapidement, mes chaises seront attachées avec de la corde, ça va s'user rapidement, et j'aurai dans très peu de temps tellement expérimenté la table et les chaises, le lit et le bureau, que j'en aurai besoin. Puis comme ils vont casser dans pas grand temps, ça m'a été pris à continuer à acheter. Moi, je pense que c'est moi qui me suis fait avoir. Puis lui, vu qu'il a de l'expérience, le bonhomme, bien là, son lit est meilleur, il le garde. Sa table est plus belle, il la garde. Il a vendu sa scrap, ses prémices, ses premiers essais. Alors, je brise lentement une chaise, je passe à travers, je m'en vais le voir. Puis là, les garanties sont pas encore existantes, parce que je peux pas garantir mon bœuf, et il peut pas garantir sa chaise. Bon. Alors là, je lui achète une autre chaise en lui amenant une poule, et puis finalement, on arrive à faire une échelle de valeur. Une échelle de valeur qui est basée sur le besoin, et non pas sur le temps de travail, sur le besoin. C'est important que je fasse cette ristourne-là, ce retour dans le passé, pour qu'on arrive à comprendre comment ça marche aujourd'hui, puis comment on peut aussi s'arranger pour que ça marche demain. Alors là, moi, j'échange avec ce bonhomme, mais ce n'est pas en question d'heure. Moi, je me lève à 6 heures le matin et je me couche très, très tard le soir. Je travaille 7 jours sur 7. Mais lui, qui a peut-être moins de richesse que moi, c'est lui qui est obligé de créer le marché, pas moi. Moi, je m'assoyais à terre. Moi, je me réchauffais l'hiver en rentrant 3-4 verres, je dors à ma maison. Moi, j'avais des aliments, j'avais du lait. C'est lui qui crée le marché. Et moi, je pense qu'il est plus pauvre que moi parce que c'est lui qui a besoin. Mais c'est pas long qu'il va devenir plus riche que moi, lui, parce que lui, il connaît le système. C'est lui qui l'invente, donc il va le connaître. Alors, je donc travaille 12 heures par jour. Lui, il travaille 6-7 heures par jour. Et quand ça, il tente pas de travailler, ben, il prend une journée, deux jours, trois jours par semaine de congé. Moi, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je nourrisse mes animaux, faut que je vérifie mon champ, faut que je le protège des oiseaux, des chevreuils, enfin des animaux prédateurs, faut que je sarque. Et lui, ben, il attend. Il y aura un problème, lui, par contre. C'est qu'à force de couper du bois près de sa cabane, de plus en plus, il faudra qu'il cherche son bois loin. Il va commencer à devoir travailler un peu plus pour aller chercher le bois. Mais c'est pas long qu'il va se rendre compte que mes bœufs peuvent aller chercher son bois, puis je vais encore me faire avoir. Mais ça, c'est autre chose. Alors donc, notre bonhomme, il fabrique une chaise, et puis il vient avec sa chaise, et puis il regarde mes chaises, puis là, il voit que les chaises sont plus ou moins usagées, ou scrap, et puis là, il me dit, ben regarde, celle-ci, elle berce. On n'a pas encore inventé la pipe, fait qu'on n'a pas besoin de la chaise berçante. Fait que là, j'attends, et puis là, ben là, il me fait asseoir dedans, puis là, il me promène. Ah, tabarouette, c'est au bout. Il me brasse lentement, j'aime ça. Fait que là, combien? Deux bœufs. Là, moi, j'ai pas encore pensé que deux bœufs, ça me prenait peut-être 5 ans à les fabriquer. Puis lui, ça y prenait une semaine à faire sa chaise. C'est ça, l'exploitation, on commence. Mais là, il m'a bercé, fait que j'achète la chaise berçante, il prend mes deux bœufs. Là, je m'assois dedans, puis j'attends. Ça berce pas. Là, je me suis fait encore avoir. C'est lui qui me berçait, puis là, je ne l'ai pas acheté avec la chaise. Fait que là, je suis obligé de me pousser avec les pieds. En plus, on se fait avoir régulièrement. Là, c'est pas long qu'on va inventer la pipe, c'est le début des choses de moteur à vapeur. Oh, ça fume, puis ça berce. Alors, lentement, donc, je me rends compte que j'ai maintenant besoin de ce qu'avant je n'avais pas besoin. Alors, je peux dire que c'est du luxe. Je peux peut-être... Lui, il dit que c'est du confort. Moi, je dis que c'est du luxe. Lui, il dit que c'est du confort. Alors, nécessairement, lui, il vend du confort, il vend pas du luxe. La luxure, c'est un péché. Le confort, c'est correct. Fait qu'il me vend des choses confortables que moi, j'appelle du luxe. Parce que finalement, je me rends compte que je travaille, je produis plus de bétail qu'avant, plus de blé qu'avant, pour me procurer ce que lui fabrique. C'est toujours lui qui mène le marché. À un moment donné, il va arriver avec une charrette tout solide. Ben là, je me dis, pour cultiver, pour transporter mon foin, c'est peut-être correct. Et puis, il est toujours en train d'inventer, lui. Puis continuellement, moi, je travaille. Et puis, ben, il invente. Et puis là, j'ai ma chaise berçante qui se berce pas tout seul. J'ai mon lit, j'ai mes bureaux. Là, je suis rendu que j'ai le vestelier. Puis j'ai des petits garde-robes. Puis j'ai une brouette. Je fais deux brouettes. Puis j'ai un paquet d'affaires. Là, à un moment donné, il est venu me voir, puis il m'a dit, ta maison, tu trouves pas qu'elle est petite. Si tu l'agrandirais, tu serais mieux. Moi, je me suis dit, si je l'agrandis, il va me vendre plus de meubles pour la meubler. Alors, je commençais à comprendre le mécanisme de l'échange financier. On n'a pas encore d'argent. Mais il y a eu, dans ce petit comté, dans cette petite société, à un moment donné, il y a eu de l'immigration, et puis on s'est ramassé 1000 personnes. Moi, je continue avec mon champ, mon bétail, puis je peux pas fournir tout le monde. Mais lui, des chaises, il pouvait en faire en sacrableu, par exemple. Il est allé voir tout le monde, il les a tous invités à manger une fois chez lui. Ils sont tous repartis sur le mobilier. Alors, à un moment donné, ben, il y avait du bœuf en masse. Vu que lui ne travaillait pas beaucoup, parce que faire une chaise, ça, il prenait le temps qu'il avait besoin, mais une fois que la chaise était finie, il n'y a pas besoin de la nourrir, il n'y a pas besoin de la laver, il n'y a pas besoin de rien faire. Mais nous autres, avec notre bétail, on devait, et les champs aussi. Alors, à un moment donné, il s'est ramassé avec beaucoup de vaches, beaucoup de bœufs, beaucoup de moutons, beaucoup de blé dans des silos. Tellement qu'il ne pouvait pas tout manger ça, c'était impossible. Mais à un moment donné, il est arrivé pire. Il est arrivé qu'il est venu me voir avec une petite boîte. Puis là, il a dit ça ici, là, c'est des morceaux de mon bœuf. Ce qu'on peut faire, c'est que de temps en temps, moi j'ai 5 vaches, puis j'ai un bœuf. Les 5 vaches, moi te les donner. J'étais bien content. Mais j'étais encore une personne, moi, qui est un acheteur, je suis pas encore un vendeur. Ben, c'est vache, je vais les prendre. Il dit, regarde, en échange, moi, j'ai pas de place, tu sais. Fait que, en échange, t'as un beau, t'as du beau bœuf là-bas, au gros pas mal. Mais un bœuf, ça donne pas de lait. Moi, ben, ça m'occupe, puis j'ai pas tellement de place, mettre 5 vaches. Fait que, moi, prendre ton bœuf, tu m'as donné mes 5 vaches. Oh, je suis tout content. Mais à un moment donné, c'est arrivé, c'est tous les bœufs, c'est lui qui les avait. Puis pour reproduire mes vaches, pour qu'il y ait du lait, fallait aller chercher ses bœufs. Alors, non seulement il y avait les chaises, les tables, puis le lit, il était rendu qu'il y avait les bœufs. En cas de famine ou l'hiver, ben, il y avait du blé en masse. Il fallait qu'on aille chercher en promettant qu'on va venir travailler et faire des chaises pour lui. Et puis, à un moment donné, ben, il a pris les terres de certaines personnes. Et puis, ces terres-là, ben, il les a louées à ceux qui étaient plus petits. Puis, ces personnes-là, il les a engagées pour faire des chaises, des tables puis des maisons. Puis, lui, il ne faisait plus rien partout. Il faisait plus rien pantoute, mais il ramassait en tabarouette, par exemple. Alors, les greniers, ça continuait. Il fallait même qu'il en fasse construire pour lui. Et puis, lentement, pas trop vite, sans que personne ne s'en rende compte trop, ce gars-là, qui dans le début semblait être un pauvre, semblait être une personne qui avait besoin des autres, il n'était pas capable de travailler avec du bétail, qui faisait cliquer. Il n'était pas capable de planter du blé. Il n'était pas capable de rien faire de tout ça. Par contre, il avait juste la tête pour penser à quelque chose que peut-être celui qui travaille aurait besoin. Alors, ça n'a pas été long, puis il a réussi à conquérir tout l'entourage. Et puis là, il est devenu le Seigneur. Il est devenu le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est devenu celui qui ne fait rien, mais pour qui tout le monde font. Il est devenu ce qu'on appelle peut-être des fois dans notre société un riche. Ou un pourri, dépendant des personnes. Mais il est devenu une personne qui était riche. faut faire attention. Pendant longtemps, les pauvres ont maudit les riches. Alors, moi, dans ma ferme, en train de me bercer, puis en train de regarder dehors mes deux vaches qui me restaient, dans ma belle chaise berçante, remarquez. Mais je voyais au fin fond là-bas tout son empire à lui, qui continuait, puis plein de gens qui tournaient autour. Puis lui, il était où? Il était pas là. Il était parti en vacances. Il était parti visiter d'autres contrées. Le problème de ce bonhomme-là, c'est que quand il revenait des autres contrées, il réinvitait tout le monde à manger. Il était en train d'inventer l'exportation. Le monde y venait, puis le monde y partait avec le mobilier. Il y avait des tactiques particulières. Il rentrait dans... Il invitait des gens. Ben là, il allait chez des gens, puis là, il ramassait un morceau de chic. Puis il en échappait un morceau à terre. Puis là, il attendait. Puis si la personne avec qui il était se penchait pour le ramasser un morceau de chic, il savait que cette personne-là, il vendrait n'importe quoi. Puis si la personne ne se ramassait pas, ben lui, il ne le ramassait pas non plus. Mais il savait que celui-là, il serait mieux soit de l'engager vite, de l'avoir sur son bord ou de plus jamais le voir. C'est un tough. Il y avait, donc, ce bonhomme-là avait compris le principe de la manipulation de l'énergie matérielle, qu'aujourd'hui on transpose sur l'énergie financière, c'est la même chose. Mais c'était un pauvre. C'était une personne qui était en train de mourir dans son coin. La seule nuance, c'est que parce qu'elle n'était pas occupée à travailler, elle a eu du temps pour penser. Elle a eu du temps pour créer, pour innover, pour inventer. Et parce qu'elle a eu du temps pour inventer, et parce qu'elle était capable de maigrir. Parce qu'elle était capable de se priver. Pourquoi? Parce que regardez que dans une autre contrée, il y avait une personne exactement comme elle. Elle avait une petite cabane, n'était pas capable de rien faire, pas capable de prendre des décisions au niveau du bétail, elle ne savait jamais quand est-ce que c'était un taureau qui s'en venait ou un taureau qui s'en allait. Elle avait deux yeux d'un bord puis un de l'autre, mais lui, il ne savait pas. Et puis, ce bonhomme-là, l'autre, dans l'autre comté, est allé voir le fermier, puis il a dit, « Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir un verre de lait. » Vous voyez, ça, c'est l'inverse. Fait que le fermier, il a dit, « Ben, un verre de lait. » Tu sais, un verre de lait, fait n'importe quoi. Pas de problème. Fait qu'il a dit, « Ben, là, ça, il y a des choses, des amoncellements qui se font derrière les vaches. On ne sait pas trop d'où ça vient, là. Mais tu vas tout tasser ça, puis mettre ça dehors. » Puis l'automne, tu vas mettre ça dans le champ partout. Ça pue, mais ça pousse. Pourquoi tes graines ont peur? Les plantes, ils lèvent. Ça pue, hein? Fait que ça fuit le sol, ça pousse. Alors, il venait d'engager, ce fermier-là venait d'engager un pauvre. Puis dans mon comté à moi, dans ma société à moi, le pauvre, il est devenu le riche. Alors, lentement, dans l'autre comté, donc, le gars qui a du temps pour penser, mais qu'au lieu de penser et d'inventer, il prend son temps pour se lamenter, bien lui, il est venu voir le fermier, puis là, il est rendu qu'il sort le fumier. Il peinture à chaud la cabane, il répare des bebelles. Oh, ce fermier-là, il achète son stock du riche dans l'autre état, là-bas, là, mais ça, c'est pas grave. Mais là, il est rendu avec un employé, là, lui, là. Un employé parce que l'individu a décidé de venir. Puis encore une fois, on travaille, et puis c'est jamais à l'heure. Pas encore. Ça, quand l'être humain va devenir payé à l'heure, il va se passer deux choses. La libération de ceux qui ont été assujettis, puis l'esclavage de tout le monde. Autrement dit, du moment que l'humain a commencé à être payé à l'heure, celui qui était flâneux commence à s'enrichir. Celui qui était paresseux commençait à s'enrichir. Celui qui travaillait beaucoup, lui, s'enrichissait pas et finissait son travail plus vite. Lui, il a peut-être voulu qu'on le conserve à la semaine ou au mois, ou à l'année, dépendant des états. Mais, dans ma société, à un moment donné, il a fallu qu'on bâtisse une route. Une route de notre village, aller dans l'autre état, là où c'est le fermier qui a engagé le bonhomme au verre de lait, une route, pour qu'on puisse échanger des choses. Parce que dans son état, à lui, il y a des oranges qui poussent, dans l'autre, il n'y en a pas. Puis, à un moment donné, il nous a invités à boire du jus d'orange, puis là, il fait. Fait qu'on a besoin d'oranges. Ça ne nous arrange pas, mais il faut qu'on bâtisse un chemin. Alors, on décide de bâtir le chemin. Le riche, ben, il canalise un peu tout le monde. Et puis lui, il ne finance pas. Il ne finance pas, c'est un riche. Un riche, il ne finance pas. C'est-à-dire qu'il subventionne. Il prête. Alors, lui, il amène, il fournit sa main-d'œuvre, il fournit du matériel, il fournit du bois, il fournit un paquet d'affaires. Et puis, ils s'organisent après ça pour que tous ceux qui sont sur le bord du chemin, ben, payent la partie qui passe devant. Du milieu entre l'autre maison, au milieu entre l'autre maison. Fait que finalement, le chemin se paye. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'une route comme ça, on peut en fabriquer une. Pas de problème. Quand on a bâti là, l'autoroute américaine-canadienne, celle qui part de Montréal qui va jusqu'à New York, c'est fait. Ça a coûté à peu près le même prix que ça va coûter finir la 440 à Laval, rien que l'amener à Saint-Eustache. Parce qu'à l'époque, le salaire horaire des employés n'est pas le même qu'aujourd'hui. Alors, il y a eu un temps, donc, dans cette époque, où lorsqu'on ne payait pas à l'heure, on bâtissait des cathédrales, des pyramides, on bâtissait des châteaux, on bâtissait des chemins, des autoroutes, on bâtissait des mondes, des sociétés. Mais à travers ces sociétés, il y a toujours eu le monde qui naissait, du parent peut-être qui aimait se bercer avec sa pipe. Puis le jeune, il se disait, ben moi, je vais arriver en haut. Et parce qu'il était venu au monde d'une famille en bas, avant, on était deux. Fait que monter en haut, c'était pas long. Aujourd'hui, qu'on est quelques millions dans une société, ben, quand tu pars d'en bas, monter en haut, tu n'as peut-être pour deux, trois vies. Alors là, les personnes ont commencé à se réunir ensemble. Et puis, on dit, le riche, qui a tout bâti au complet, là, qui nous a fourré royalement, parce qu'il est plus intelligent que nous autres, peut-être, plus vite. Parce que pour le pauvre, être vite, c'est un défaut. T'sais, lui, on le sait, lui, il est vite. Ben, pour le riche, être vite, c'est une qualité. Mais on le sait, il n'est pas vite. C'est chacun son point de vue. Alors, dans cette société, lentement, notre riche, celui qui avait du blé en masse, qui avait du bétail, des bons taureaux. À un moment donné, il est arrivé une famine majeure. Il n'y a rien, il n'y a pas plus. Ça pleurait, mais c'était pas assez, il n'y a pas plus. Pas assez. Alors, ça peut pousser. Là, notre riche, ben, il s'est dit, moi, ma vende. Là, le monde a commencé à dire, c'est ça, il profite du malheur des autres. Le riche, il a dit, je ne profite pas de votre malheur. Mais vous profitez en maudit de mon bonheur. Si j'aurais rien à vous vendre, vous mourriez toutes. Or, mieux vaut que je vous vende, puis que vous achetiez même à crédit, mais au moins vous restez en vie. Une chance qu'il y avait un riche dans cette société-là, parce que la société n'existerait même plus. Et la majorité des personnes qui bâtissent des empires, pourris ou pas, croches ou pas, vite ou pas, permettent à des centaines, à des milliers d'êtres humains de pouvoir vivre. Mais ces êtres humains-là qui vivent, c'est pas long que, parce qu'ils y arrivent en charrette ou à pied, et puis qu'ils voient le riche arriver en porteur ou en Rolls-Royce, bien ils se disent, on est exploité. Mais, parce qu'ils se sentent exploités, tous les employés se réunissent, puis ils disent, si on travaille plus, il fera plus d'argent. Fait que si on ne travaille plus, puis qu'on lui dit, si tu veux qu'on recommence à travailler, ben il faut qu'on se fasse, faut peut-être qu'il ait le même salaire que nous autres, pas plus. En plus que tu fais rien, ça sera déjà beau. Mais là, étant donné que les sociétés sont bâties à partir des riches, l'armée et la police sont avec les sociétés, avec les riches, parce que les riches préservent, c'est les riches qui permettent de faire des routes, c'est les riches qui prêtent pour faire des bâtisses, qui prêtent au gouvernement quand il manque de subventions, de finances. C'est le riche qui fait marcher toute l'affaire au complet. Mais les pauvres disent, le riche fait marcher l'affaire au complet, mais au détriment de nous autres. Mais les sociétés, toutes les sociétés sur la planète, où il n'y a pas de riches, je trouve qu'il y a juste des pauvres. C'est pas le riche qui rend pauvre. Les pauvres se mettent pauvres, puis se tiennent pauvres. Les pays sous-développés, c'est pas les Américains qui les ont rendus pauvres. Quand les Américains sont arrivés là, ils étaient pauvres. Parce que les Américains ne les ont pas mis riches. Mais ils se sont mis riches. Eux, là, on dit qu'ils appauvrissent ce pays. C'est faux. Le meilleur coton du Guatemala, on n'en trouve pas au Guatemala. On le trouve aux États-Unis, on le trouve dans les pays où il est exporté. Les meilleures oranges dans ces pays-là, il n'y en a pas dans le pays. Les meilleures sont exportées. Or, le pays a juste la scrap. Mais il y a une chose à faire attention. C'est qu'avant l'arrivée des Américains, le meilleur coton, qui n'existait pas, les Américains qui l'ont cultivé, qui ont fait des hybrides, et puis qui en ont eu un beau, finalement, ils ramassent ce qu'ils ont mis là. Il y a eu des problèmes de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est que le pauvre est toujours en train de se plaindre. Alors le pauvre, donc, toute cette gang-là de pauvres, eh bien, ils décident que là, ils vont se réunir, Et puis, il y a une grande gueule qui se fait tuer par la police parce que les riches, ils veulent pas perdre de place tout de suite. Et puis, à un moment donné, bien, il y en a tellement de grandes gueules que ça crée des chefs. Puis, ces chefs-là finissent par ramasser tout le monde et puis ça forme des syndicats. Le syndicat, c'est le patron de la compagnie. Le syndicat, c'est celui qui investit rien, hein? C'est celui qui risque rien. Moi, toi. C'est celui qui a du temps en masse puis des vacances en masse, mais qui va faire la job du boss puis payer directement sur le salaire des employés, même pas ses profits. Ça, c'est le syndicat. Mais là, comme les pauvres se sont fait avoir par le premier riche, ils vont nécessairement se faire avoir par le deuxième riche, le syndicat. Le syndicat, c'est quoi? C'est comme un gouvernement que le peuple ne peut pas voter. Hein? Le syndicat, il fait ce qu'il veut un peu dans les sociétés. D'ailleurs, dernièrement, il y a un syndicat d'employés d'un syndicat qui se plaignait parce que les autres, ils ont ça n'a pas d'allure, ils ont comme salaire, comme condition de travail. Puis ce sont les employés d'un grand syndicat ici. Bon, ils ne peuvent pas faire la grève, le syndicat dans le syndicat n'est pas assez puissant. Alors, il y a eu un syndicat. Le syndicat est allé voir les patrons, puis il a dit au nom de toute la gang, ben voici nos revendications. Mais une chose, c'est que le syndicat n'a pas dit à tout le monde, qu'est-ce qu'il voulait avoir? Le syndicat, il a dit, c'est ça qu'on veut! Le syndicat qui décidait, pas les employés. Puis là, ben là, les employés qui n'étaient pas trop sûrs, il y avait des gros fiers à bras, ou des fiers à poignet américain, et puis qu'elle suggérait poliment aux gens de voter pour ce que le syndicat voulait. Le syndicat prend 1% de votre paye. C'est au bout. Fait que plus vous allez avoir de paye haute, plus on va ramasser d'argent. Bon. Fait que là, le syndicat, il commence à s'organiser, puis là, le patron a des problèmes. Là, le patron, il dit, ben moi, je ne veux plus marcher comme ça. Je ne suis plus patron de ma business. J'ai mis tout mon temps, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans, j'ai divorcé 4 fois. Alors, remarque, peut-être que les femmes, ils se mariaient avec moi parce que j'avais de l'argent, puis ils partaient après. Chose qui est certaine, c'est que là, je ne suis plus patron, je ne suis plus intéressé. Le patron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis plus intéressé. Là, les autres, ils disent, ah, ben, on s'en fout! Mais il y a quelque chose. Chaque fois qu'un patron s'en va, la compagnie, elle tombe. Parce que les employés, même réunis en coopérative, n'arrivent à peu près jamais à remonter une compagnie. Le gars qui apparemment fait rien, c'est la tête. Puis parce que le peuple, il décide, pas besoin de tête, c'est bien mauvais. Alors là, certains patrons décident de rester, puis là, on double les salaires, et puis on triple les salaires, puis finalement, les syndicats disent, là, on ne veut pas être payé à la semaine, là, ben non, à business, on veut à la job, on va être payé à l'heure. Ça commence seulement depuis l'invention des mondes. On comprend bien pourquoi. L'heure solaire, c'est pas assez précise. Alors maintenant, ils sont payés à l'heure. Étant payés à l'heure, les employés ne peuvent plus... Bien, les patrons vont essayer des poussées au coton parce qu'ils sont payés à l'heure. Fait que là, on commence à aller avec la production, la surproduction, l'efficacité, l'organisation dans l'entreprise. Envoyez. Les syndicats, bien là, ils sont là pour dire faire des choses. C'est comme des gouvernements. Ils sont là pour entretenir ce qui nécessite leur présence dans la compagnie, puis qu'ils ne régleront jamais le problème complètement, parce qu'après ça, tu veux un syndicat. Alors, lentement, bien, les syndicats sont un peu achalés par les employés, par le monde, par les pauvres, par le peuple. Et puis finalement, les syndicats, ben là, ils exigent que là, ça n'a pas d'allure, il y en a qui capotent. Fait que là, on va avoir des assurances, c'est bon. On va avoir des journées de maladie, c'est bon. Jusqu'à temps que le syndicat suggère carrément, « Hey, t'en as combien de journées de maladie? 12? » C'est bien niaiseux! Prends-les! Fait que là, le patron est obligé de payer celui qui prend ses journées pour jouer au golf, puis de payer celui qui le remplace. Mais là, le syndicat, il dit un instant, celui qui le remplace, c'est à temps et demi. Ah bon? Fait que là, ça fait pour que je paye 2 gars, puis 1 à temps et demi pour le job de 1. C'est pas long que les sociétés vont commencer à s'appauvrir. Puis c'est ce qui est commencé. Là, c'est pas long. Les patrons ont exploité humainement, mais pas au niveau en affaires. C'est correct. C'est les riches qui ont rendu le monde riche. Oh, ceux qui sont pauvres, ils chialent devant leur télévision. C'est un riche qui a bâti les compagnies pour l'affaire, la télévision. Puis c'est un riche qui tient les stations. Fait que grâce aux riches, on peut au moins s'ennuyer dans le luxe, le confort. Mais là, ce qui arrive, c'est que parce que maintenant, les patrons avaient exploité, on a dit, les employés, maintenant, les employés, dans la majorité des cas, à l'échelle planétaire, exploitent les patrons. On parle évidemment du système nord planétaire. Ils exploitent maintenant les patrons. Ils exploitent les sociétés. Ça s'est inversé. Dans l'avenir, ça va peut-être se placer. Mais on arrive donc à cette manipulation de l'énergie financière. En comprenant la gamique puis le jeu, on peut arriver à faire bien les choses. Mais on va devoir comprendre quelque chose. C'est qu'on ne fait jamais d'argent seul. On fait toujours de l'argent avec d'autres. On va revenir à ça. Alors là, lentement, on va être payé à l'heure. Et puis, à un moment donné, ben là, le patron, il dit, « Bon, ben là, moi, les automobiles que je fabrique, faut que je paye 2,5 fois ce que ça me coûtait avant. » Fait que je les augmente de 2,5 fois. Fait que là, celui qui vient d'être augmenté, vu que la matière à vendre augmente, ben il est aussi pauvre qu'avant. Fait que là, il exige une augmentation de salaire. Pour la supporter, on augmente ce qu'on vend, ça coûte aussi pauvre. Fait que ben, là, ça crée l'inflation. Puis là, on s'amuse au coton, puis on est parti. « Hey, moi, je fais 30 $ de l'heure! »« Ouais, mais tu allais acheter un pain? » Ah, je l'ai pas assez. C'est pas long. C'est pas long. Le pain, ça coûte rien à faire. Ça pousse tout seul. Il faut une machine pour les ramasser. Ramasser le grain. C'est après ça des machines qui malaxent, qui s'en vont, puis quelques employés qui surveillent. Puis ils en fabriquent du pain. Et puis ils se vendent cher, le pain. Mais ils se vendent pas cher, le pain, on gagne cher. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'on a pas là, on a pris notre énergie financière, puis c'est une lubie, l'énergie financière. C'est une farce, parce que finalement, mon pauvre, tout à l'heure, celui qui m'a invité à manger, il est devenu riche avec quoi? Il n'y a pas à moyen terme ou à long terme à réaugmenter l'inflation. Plus on va vouloir augmenter nos payes, plus ceux qui fabriquent devront augmenter ce qu'ils vendent pour payer l'augmentation des salaires. Puis on y va comme ça, on tourne, on s'amuse. La roue tourne. On va peut-être avoir de plus en plus de grands comptes en banque. J'étais au Pérou à un moment donné, et j'avais lu sur l'argent pour savoir comment que notre argent était dévalué ou survalué. Et puis, c'était 300 $ péruviens pour 1 $ canadien. Quand je suis arrivé au Pérou, ben, on est allé changer 10 $. Puis là, c'était 17 500 $ péruviens pour 1 $ canadien. J'ai un de mes amis qui ne savait pas, il avait changé 50 $, puis le banquier avait juste des petits billets de 50 000, fait qu'il a rempli son sac à dos. Alors, j'ai été millionnaire quelques fois. Pendant le mois que j'étais là, il fallait changer 120 $ pour être millionnaire. Mais ça valait quoi? C'est des chiffres. Bien, c'est ça. Lentement, on se dirige vers des chiffres, vers des zéros. Alors, il y a beaucoup d'humains. La manipulation de l'énergie financière, du point de vue pratique, vu qu'on comprend un peu comment ça marche, il y a beaucoup d'humains qui, eux autres, visent la richesse à partir du nombre de zéros qui va être avant le point. Nécessairement, il y a un en avant ou un autre chiffre, là. Bon. Sauf que, comme ceux qui mettent leur argent en banque, une fois qu'on a ôté l'impôt sur les intérêts, puis qu'on soustrait l'inflation pendant ce temps-là, on fait quoi? 1%? 2%? Pas 8. L'humain n'a pas compris. Les riches ont compris comment rester riche ou devenir riche à travers la masse. Et la masse, elle n'a pas compris. La masse, elle s'est dit, on va dévaliser le riche, puis on va devenir riche. Une façon de dévaliser illégal, c'est d'acheter des billets de loterie. On dévalise le gouvernement. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça 50 cents, 1 $, puis il ramasse 45 millions, puis il en donne 3. C'est ça, le riche. Là, le monde, pauvre, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? Mais être riche, un jour, ça va, moi, celui qui veut, il peut. Ils sont 25 000 à acheter des billets, ils ne seront pas 25 000 à être riches, c'est impossible, ils n'en donnent pas assez au gouvernement. Mais pourquoi l'humain, qui est la masse, qui subventionne le riche, n'est pas capable de s'enligner à un moment donné pour se subventionner elle-même? Pourquoi elle n'est pas capable de se subventionner elle-même? Parce que la masse, premièrement, n'y croit pas. La masse n'y croit pas. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui retombent, bling, bang, paf, paf. Ben, ils repartent. Après ça, ben, ils retombent, ben, ils repartent. Le pauvre, lui, oh, il ne s'essaye même pas. Puis quand il s'essaye, c'est mieux de marcher vite. Puis s'il tombe, il tombe, il ne remonte plus jamais. Il ne faut rien savoir. C'est à cause d'un riche quelque part dans l'engrenage qu'il l'a fourré, puis c'est à cause de ça. C'est comme la personne qui s'en va acheter pain. Par sort de là avec du pudding, deux autres pains, de la viande. Puis là, ça ne retourne plus jamais là, c'est un maudit voleur. Il m'a vendu plein d'affaires que je voulais pas. Le riche, il dit, il n'y a rien qu'à pas acheter. C'est qui a raison? Ben le riche. Quand un riche va quelque part, puis qu'il veut quelque chose, il repart avec ce qu'il veut, puis il repart avec rien. Le pauvre, oh, il n'y a pas l'autre chose qu'il m'a dit, puis il repart avec ce que l'autre, que le vendeur voulait y vendre. Puis nécessairement, il va haïr le vendeur. J'ai un de mes amis, moi, qui vendait des devantures d'aluminium pour mettre après des portes. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait expliquer à la personne, mais qu'il se mettait 3-4, il mesurait le terrain, puis regardait la maison. Puis il allait voir la personne, puis il disait, nous autres, là, pour pas cher, on pourrait tout pour faire votre devanture au complet, mais on mettrait une pancarte sur votre terrain, par exemple. C'est la raison qu'on fait. On met une pancarte qui annonce la compagnie. T'sais? On va décorer votre maison cute. Ça va vous coûter 3 000 $, mais ça vaut bien plus que ça. Mais là, en échange, on met une pancarte. C'est la publicité. Et la personne était contente. Fait que, il payait 3 000 $, hein, il faisait sa maison, puis la pancarte, on l'oubliait, ça. Ça coûtait 3 000 $ à faire le job qu'on avait à faire. Et il vendait, lui. Puis la personne, bien, l'achetait. Il y a un quartier que s'il aurait mis ses pancartes, il aurait eu plus de pancartes que de maisons. Chance qu'il mettait une chance qu'il oubliait. Bon, c'est moi. L'être humain qui veut transformer son potentiel financier doit nécessairement savoir que c'est pas rajouter des zéros dans son compte en banque, que c'est pas avoir un portefeuille à la bourse, que c'est pas avoir tout son compte en banque dans son porte-monnaie, 3-4 200, hein, que c'est pas l'automobile, que c'est pas son système de son, que c'est pas la manière qu'il s'habille qui va déterminer comment il va vivre. Ça détermine peut-être comment il vit, mais immédiatement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'individus qui empruntent, puis qui achètent à crédit, puis qui se disent, ben, vivons maintenant, puis poussons-nous plus tard. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Présentement, à l'échelle du monde, on est dans la phase où on appauvrit le monde, la société. Où chaque société devient plus pauvre et nécessairement où chaque être humain devient plus pauvre. Pourquoi on devient plus pauvre? Pour la simple raison qu'on ne peut plus avoir la même chose. Simple. Si je m'entends convenablement avec mon voisin, qui fabrique des meubles. Puis moi, je lui dis, j'ambitionnerai pas. Viens prendre du bétail puis du blé tant que tu veux. Mais fais-le pas pourrir chez vous. Faut que je fasse ça avant qu'il devienne riche, là, parce qu'une fois riche, il comprendra plus, là, lui, là. Fait que là, moi, je suis un pauvre, là, je vais avoir d'autres pauvres, puis je lui dis, toi, tu fabriques des meubles, toi aussi. T'as appris, là, chez le riche. Puis avec ce que le riche te fait faire, ben ça te donne du blé, puis du bétail. Puis si je te permets de venir dans mes terres, puis dans mes écuries, dans mes étables, prendre ce que tu as besoin pour nourrir ta famille, puis ça à l'année longue. Puis en échange, tu fais des meubles. Puis moi, je peux aller chercher des meubles quand je veux chez vous. Fait que nécessairement, je ne me ramasse pas avec 8 lits dans ma chambre. Je ne suis pas un imbécile. Puis quand on aura tout suffisamment de meubles, ben, viens me donner un coup de pouce à planter, à rentrer les vaches. Ben là, on est en train de créer ce que les pauvres vont essayer souvent, la coopérative. Coopérer entre nous. Mais c'est parce que c'est une société dans une société. Il y aura toujours un problème. Un gros voudra la manger, ça grossit, elle va finir par manger les autres, la coopérative va devenir une compagnie à but hyper lucratif, c'est pas un problème, mais ce que je veux dire par là, c'est que la société restera toujours ce qu'elle est, la majorité seront en bas et quelques personnes seront en haut, puis il y en aura quelques-uns qui vont jouer yo-yo entre les deux. Manipuler l'énergie financière, c'est une attitude mentale. Quand on va à Las Vegas, quand on va dans des régions comme ça, puis on va jouer par exemple au blackjack, j'ai déjà été sur un bateau, j'ai joué au blackjack. Je me suis amusé, j'étais avec un de mes amis, puis on faisait des expériences. Alors, premièrement, je me place à côté, et puis c'est lui qui joue. Puis c'est moi qui dis quoi faire. Quand demander une carte, quand pas demander, puis quand mettre plus, etc. C'est pas grave, c'est son argent qui perd. Moi, je dis n'importe quoi, ça va. Bon, moi, je suis à côté. Mais là, vu que c'est pas mon argent que je joue, je suis pas stressé. Je m'en fous. Vu que je suis pas stressé, je suis bien plus alerte. Je vois bien plus de choses. Lui, c'est son argent. Fait que là, il est comme tout le monde. Il espère gagner. C'est rare que le monde joue pour espérer qu'il espère de perdre. Bon, alors, il pense gagner, puis il est là, puis il check. Là, moi, je suis là, puis quand je donne un coup, ça veut dire mène 4, puis quand je donne rien, mais ça ne met rien, puis quand je donne un coup de pied sur la chaise, bon. Ça, c'est un système. Mais c'est pas un système truqué, c'est un système simplement comme ça. Puis là, c'est pas long que le casino demande à quelqu'un, un bonhomme assez bien bâti, bien habillé, mais très luxueusement habillé, de venir se planter juste en arrière du gars qui joue. Il plantait juste devant moi, puis il me regarde. Fait que là, je me rends compte que d'autres aussi, ils savent ce que ça se fait, ça. Les riches, ils en savent des choses. Il est là juste pour me stresser. De façon, si je commence à perdre, moi, tout. C'est légal, ce qu'il fait. C'est même illégal de faire ce que je fais. même si c'est pas prouvable, c'est reconnu. À un moment donné, eh bien, je joue. Là, c'est moi qui joue. Là. On est descendu sur une île, là, je suis plus trop où, dans l'Atlantique, puis c'est moi qui joue. Je fais des expériences, des tests pour voir. Alors, je joue pour gagner, puis je perds, puis je gagne, puis je perds, puis je gagne, puis je perds, puis je gagne. À un moment donné, je décide de jouer contre le gars qui sert les cartes. Là, c'est lui que je veux battre. L'argent, je m'en fous, je veux le battre, lui. Je fais donc, là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné en mal. Quand je suis revenu sur mon bateau, bien là, j'ai regardé les tables, et puis j'ai dit, tiens, moi, jouer à cette table-là, elle me va bien. Mais c'était plein de monde. Alors, je dis, ah, ben, c'est ça. Ah, il y a une place là, mais elle, elle me va pas. Oh, vas-y, Barry. Là, je perds, puis je perds, puis je perds, puis je perds, puis j'arrête. Là, je regarde les tables. Ah, elle me va encore, mais il y a encore plein de monde. Ah, il y a un autre trou là. J'y vais. Je perds, puis je perds, puis je perds, puis je perds. À un moment donné, bien, la table qui me va, elle se libère. J'y vais. Je gagne, puis je gagne, puis je gagne, puis je gagne. Là, j'ai plus le goût. Bien, là, j'arrête. Bien, c'est comme ça qu'une personne qui veut faire de l'argent en jouant doit jouer. Elle doit s'en balancer. Puis elle doit se fier à elle. Elle doit se fier à moi, t'as dit à elle. C'est une attitude. La personne qui place à la bourse, c'est la même chose. Il y en a qui se fient à des courtiers. Imaginez-vous. Puis il y en a qui se fient sur les astrologues. Ce que j'aime, c'est que toutes les personnes qui promettent de l'argent sont bien souvent pauvres. Bien, ils viennent riches à la longue parce que c'est toujours 5$ qui charge le chat. Ils ont compris un peu le principe. Ramasser l'argent de tout le monde en distrayant les gens. L'attitude mentale, c'est quoi? L'attitude mentale, ça veut dire que si on veut parvenir à avoir quelque chose au niveau financier, donc transformer son système financier, sa manière de vivre, l'argent, c'est essentiel. Ça vous permet de voyager. On a une planète Terre, puis on a un système d'avions qui ne s'écrase pas trop souvent, qui est très intéressant. Des belles hôtesses, en tout cas. Et puis, on peut donc, si on a de l'argent, voyager. En voyageant, on découvre d'autres manières de penser, d'autres terres, d'autres telluries. On devient plus consciemment planétaire. Pas d'argent, on voyage pas. Ben, on vérifie les petites aubaines qui nous envoient où est-ce qu'on veut pas aller. Hein? J'ai été à Acapulco, ou à Cacapulco, c'était pas cher. Mais c'est pas là que je voulais aller, mais c'est là que j'ai été. C'était pas cher. Lorsqu'on a une attitude mentale différente, bien, le pouvoir financier, il nous sert à voyager, à se payer des cours, à acheter des livres, à permettre à l'être humain de s'enrichir. Plus on a d'argent, plus on doit la dépenser. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est bizarre, mais c'est comme ça qu'on devient riche. Oh, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, ben non, crime, c'est quand tu économises que tu deviens riche. Non. Quand tu économises, tu deviens pas riche. Quand tu économises, tu deviens économe. C'est pas pareil. Tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. Mais celui qui dépense l'argent qu'il n'a pas encore gagné, lui, il devient pauvre. Celui qui dépense l'argent, qui a économisé, lui devient riche. Parce que plus je vais acheter de choses, plus je vais stimuler l'économie, et plus les compagnies vont pouvoir continuer à produire. C'est comme si je devenais actionnaire de leurs affaires, puis mon dividende, bien, c'est ce que j'achète. Dans les crises économiques, le problème, c'est que tout le monde gèle son argent en banque. Tout le monde l'économise. L'économisant, personne n'achète plus rien. N'achetant plus rien, bien, on se claque des employés. Il y a des emplois qui se perdent. On ferme des compagnies. Le monde n'achète plus. Parce que le monde, ils sont mis à la porte. Ils n'ont plus d'argent. Bien, ils achètent encore moins. Ils économisent. Puis finalement, à travers l'économie, bien, moi, je garde mes bœufs. Lui, il garde ses chaises. Puis, à un moment donné, ma chaise, elle casse. Mais là, je ne sais pas pour y aller m'en chercher une chaise. Je veux garder mes bœufs. Puis si je vais avec mon bœuf, bien, lui, il me dit, bien, tu sais, là, les chaises sont rares. Deux bœufs. Fait que moi, je dis, ah, non, pas question. Et l'inflation, mon œil. Et lui, il veut garder ses chaises, je repars avec mon bœuf. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? J'ai plein de bœufs, il y a plein de chaises. On a tout plein d'argent à banque. On n'a plus d'auto. On n'a plus de radio. On n'a plus de linge. On a des pauvres. On a des pauvres. Nécessairement, cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour que chacun d'entre les humains devienne riche, il faut absolument qu'il coule à bord, qu'il travaille avec d'autres. Le salaire horaire, on ne peut pas le changer pour l'instant. Il y a, à un moment donné, dans un avenir plus ou moins loin, où que de toute façon, le salaire horaire va tomber. D'ailleurs, la paye financière va tomber. Les humains seront suffisamment intelligents pour travailler dans une société qui leur donnera les choses qu'ils auront besoin. Et puis, eux autres, en échange, feront ce que la société aura besoin pour qu'elle puisse leur donner ce que les humains ont besoin. Ça, c'est une société de vrais riches. Il n'y a pas un pauvre dedans. Il n'y a pas question de travail ici ou ça, de critères comme on les a aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a personne. Il y a des êtres humains à travers les structures qui sont devenus riches tout seuls. OK. Ça, ce sont des accidents de parcours. Et ces accidents de parcours-là sont tellement des accidents de parcours qu'ils font la une de tous les journaux. Le gars, il ne connaissait rien à bourse. Puis là, il a mis 10 000 piastres, puis il en a fait 50 000. Ah ben, tabarouette, il a mis 50 000, puis il a fait 1 million. Wow! Puis il a acheté un puits de pétrole, puis ça a marché au coton! Ça fait la une des journaux. Savez-vous pourquoi? Parce que ça ne devrait pas arriver. C'est comme celui qui a le sida, puis qui, pouf, devient guéri. Ça ne devrait pas arriver. On en parle. Alors, parce que ces choses-là, on en parle, c'est ça qui impressionne le plus les individus dans la masse, puis tout le monde décide que c'est comme ça qu'ils veulent faire de l'argent. Les individus veulent, comme dans l'évolution d'ailleurs, passer 50 ans à chercher la solution rapide, au lieu de passer 50 ans à en appliquer une qui marche. « Oh oui, mais je veux pas avoir 50 ans, oui, puis être riche, je n'ai plus rien à faire. » Oui, mais par contre, maintenant que tu as 50 ans, puis que tu es toujours pas riche, ça aurait peut-être été intéressant. Des trucs, regardez comment c'est l'idée. Ma mère, elle a une maison, grosse maison qui est estimée à près de 300 000 maintenant, puis elle l'a achetée à 32 500 il y a quelques années, bien, il y a 20 ans. Alors, dernièrement, je lui ai dit, « Ta maison, pourquoi tu la vends pas? » Je vais vendre la maison, mais non, je veux la léguer. Franchement, ta maison, tu veux la léguer. Moi, du moins, tu me lèges là-bas. Fait que vends la donc, tu me lègueras l'argent. Mais là, elle veut pas vendre la maison. C'est sa maison, elle est dedans. Où c'est qu'elle va vivre? Hein? Où c'est qu'elle va vivre avec 300 000 piastres? C'est ça qu'elle comprend pas. Elle a de l'argent dans les murs, comme si on a placé l'argent en banque. L'attitude est pauvre. Elle travaille, elle fait un voyage ou deux par année, puis elle a une maison. Si elle vend la maison, c'est à qui? Ben à toi. Si tu l'aimes tant que ça, rachète-la. Voyons donc, c'est niaiseux. C'est pas niaiseux. Si tu rachètes ta maison, mettons que tu mets 50 000 cash, ben elle me le prend d'où? Ben, tu as 300 000 en la vendant. Je vais emprunter à la banque pour acheter une maison de 300 000. Puis s'ils me prêtent l'argent, j'ai 300 000. Puis là, je mets 50 000 de comptant. Puis après ça, ben là, ouais, ben après ça, il faut que je paye encore tous les mois. Avec 250 000, tu le mets à la banque, avec l'intérêt, paye ta maison, tu sais. Mais sauf que là, tu as toujours ta maison ou tu en as acheté une qui te plaisait. De temps en temps, c'est bon de changer. Tu en as acheté une qui te plaisait, puis tu as mis 10 000 cash dessus ou 15 000, puis tu l'as payé 150 000. Puis là, tous les mois, tu payes ton 5, 6, 7, 8, 900 000 piastres. Mais ça dérange quoi? Maintenant que ton compte en banque est plein, puis que tu as toujours la crise de maison, quand tu étais pauvre, tu as réussi à la payer, maintenant que tu es riche, tu n'es pas capable. L'attitude. Tous ceux qui ont des maisons finies de payer devraient nécessairement la vendre. On n'achète jamais une maison pour la garder. Qui se la rachète, qui la réhypothèque, mais encore là, c'est pas assez rentable. Ce serait mieux qu'ils la vendent, qu'ils déménagent. Ils ont deux voisins, puis ils déménagent. Snatch, puis 10 ans après, snatch, puis 10 ans après, snatch. Mais là, au moins, ils sont riches. Combien d'argent dort? Et c'est ça le problème. Nos sociétés s'appauvrissent parce que l'argent dort. L'argent, c'est une invention qui fait juste dire que regarde, si tu me donnes ce que tu as, je vais te donner cette affaire-là. Puis cette affaire-là, n'importe où tu vas aller, tout le monde la veut. Fait que tout ce que tu vas pouvoir avoir avec, tu vas pouvoir l'avoir avec. Mais finalement, l'argent, ça ne sert à rien, l'argent. Moi, j'invente 10 piastres. Et puis, je prends une personne dans la salle ici, et puis voilà, je fabrique une petite bebelle, et puis j'ai 10 piastres, elle a 10 piastres. Et on est riche. Là, elle vient me voir, puis elle veut ma bebelle. Je dis, ben c'est 10 piastres, elle me donne son 10 piastres pour avoir ma bebelle. Là, elle ne dit rien. Elle veut ma bebelle. Là, à un moment donné, elle fabrique une bebelle. Fait que, ah ben moi, je m'en vais voir. Elle me dit, c'est 10 piastres. Non, ben, je donne 10 piastres. Je prends la bebelle, un chez nous. Puis là, je continue à faire des choses. Puis là, elle vient me voir, ah ben elle veut ça. Ah ben, 10 piastres. Le même 10 piastres, on va tellement travailler pour le 10 piastres. Qu'on va avoir une maison, des meubles, on va tout avoir. On va tout avoir, elle, avec. Pour un 10 piastres. Parce que chaque fois que je voulais 10 piastres, elle voulait un bœuf. Ben, je faisais 3-4 bœufs, j'en amenais un. Après ça, ben là, elle me donnait 10 piastres. Là, quand elle voulait 10 piastres, ben moi, je disais, ben moi, je veux des fleurs. Ben, elle faisait des fleurs. Elle amenait les fleurs, elle me donnait 10 piastres. Après ça, je voulais 10 piastres. Ben là, je vais l'avoir, puis t'as-tu besoin de roues? T'as-tu besoin de ceci, de cela? Le même 10 piastres a fait que toute la planète devient riche. Parce que qu'est-ce qui oblige l'humain à être pauvre? C'est que l'humain ne veut plus travailler pour l'autre. C'est que l'humain ne veut plus rien faire, sauf pour de l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent, on a perdu sa résonance cosmique. C'est une énergie. Une énergie qui doit nécessairement, et qui est régie par les lois d'échange d'énergie. On ne doit pas courir après l'argent, on doit courir après ce que l'argent nous donne. Mais l'argent, lentement, elle finit par donner à l'humain de la sécurité. Plutôt que lui donner de quoi manger, ou de la matière, ou un voyage. Lorsque j'ai eu 18 ans, je travaillais dans un camp de vacances, puis j'ai ramassé juste assez d'argent pour aller au Guatemala. C'est au Guatemala, quand je suis revenu, j'avais plus une scène, mais je devais voyager. À un moment donné, j'ai démissionné parce qu'on voulait pas me mettre, on voulait pas me donner mon mois sans sol, je retournais au Guatemala. J'ai démissionné, je suis retourné, je suis revenu, plus de job, plus d'argent. Et voyager encore. Puis j'ai rencontré des personnes âgées qui me disaient, « Tabarnou, j'aimerais ça, moi, voyager comme toi. » Les autres, ils ont des automobiles, il y avait une maison, il y avait un chalet, il y avait un bateau, puis moi, je voyageais. Puis moi, je les enviais pas, mais eux autres, ils m'enviaient. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils gardaient l'argent. Qu'eux autres pensaient, c'est de ramasser du fric. Puis le fric, il n'a aucune valeur, c'est du papier avec des chiffres dessus, puis de temps en temps, des faces. Comment on peut devenir riche? Premièrement, en échangeant avec les autres le maximum de services. C'est à ça que sert l'argent. Deuxièmement, en changeant l'attitude qu'on a au niveau de la tête. Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est les pauvres qui disent ça. Ça, c'est ceux qui ont décidé qu'ils n'auraient jamais de l'argent. Parce que si ça ne fait pas le bonheur, ça rend le malheur confortable. Alors, l'argent, ça peut être intéressant. Le phénomène financier, je répète, ce n'est pas ce qu'on a en banque. Dans les temps qui viennent, parce que veut pas, il va y avoir des problèmes sur la planète Terre, celui qui aura beaucoup d'argent, il va être riche. Mais un riche à qui on va pouvoir dire, « Tu veux ma pomme? » Ça nous donne 50$. Puis le riche, il va vous donner 50$ pour la pomme. Qu'est-ce qui est le plus enrichissant? C'est les contacts humains. Et ça, c'est pourquoi les riches deviennent riches et les pauvres restent pauvres. Les pauvres s'associent toujours entre eux, attirant nécessairement des idées de pauvres et un phénomène de vie de pauvres. Le nombre de formes est un nombre de formes de pauvres. Les riches, sortant ensemble, ayant leur club privé, se côtoyant, se fréquentant, bien nécessairement, ils dynamisent leur affaire. Mais le pauvre qui veut devenir riche, il va dire, bien moi, si je suis pauvre, je veux devenir riche, il faut que je m'accole à des riches. Mais les riches, ils ne veulent pas de moi. C'est sûr qu'ils ne voudront pas de toi, les riches. Ils ne sont pas fous, les riches. Par contre, tous ceux qui n'ont pas d'argent, et là, c'est le gros problème, une conférence comme ce soir, les gens, bien souvent, ils pensent que on va être capable, on sort de là tout seul, puis là, on a découvert des trucs. Il y en a des trucs, je ne les dis pas, parce que si je les dis, il y a trop de monde qui vont le savoir, puis les trucs, ils ne marcheront plus. C'est simple. C'est comme si je connaîtrais le truc qui va sortir au 649 prochainement, demain soir. Ben, je ne le dis pas. On va tout diviser l'argent en gang. On ne le dit pas. La personne qui vient d'une conférence ou qui fait un séminaire à un moment donné, par exemple, sur l'argent, puis qui pense trouver des trucs pour faire de l'argent, rapidement, elle n'a rien compris. Rien. Rien. L'énergie financière se manipule lorsqu'on décide de prendre part à la vie d'une société. Elle se manipule lorsqu'on décide de partager le fardeau social, lorsqu'on décide de donner notre coup de pouce et aussi lorsqu'on décide de vivre, pas en riche, en sachant qu'il y a un échange d'énergie à tout. Ça veut dire que lorsque je vais acheter une radio et que la radio n'est pas à mon goût, je vais la retourner. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un pauvre. Ça veut dire que lorsque j'ai ma soupe froide au restaurant, eh bien, je la retourne. J'ai peur qu'il crache dedans après, avant de la faire réchauffer, j'ai qu'à commander d'autres choses. Mais je la retourne. Mais les pauvres ne font pas ça, les riches le font. Et qu'est-ce qu'on dit? Dernièrement, il y avait un bonhomme qui s'est fait prendre à surprise, surprise. S'en allait en automobile, il montait dans le nord, puis là, il y avait un barrage, là, une espèce de poste de péage, où on chargeait selon l'automobile. Alors, lui, il a calculé qu'il passait là 4-5 fois, ça ferait 35$, quelque chose de même. Bien, tabarnou, j'étais pas question. C'est un millionnaire, 35$. Il chiolait pour 35$. C'est pour ça qu'il est riche. 35$, il va préférer le donner à une œuvre qui s'occupe des alcooliques que de le donner à quelque chose où il ne voit pas l'échange d'énergie. Et là, il appelle ça du vol. J'ai déjà expliqué que quand un riche voyait une scène noire à terre, puis elle ramassait. Quand un pauvre voyait une somme noire à terre, bien, il la voyait même pas, lui. Et le riche est riche, parce qu'il ramasse les sommes noires. C'est simple. Le pauvre est pauvre, parce qu'il les jette, les sommes noires. C'est sûr que pour faire un million de dollars, c'est pas en ramassant les sommes noires. Mais l'attitude. J'expliquais que pour parvenir à changer son attitude mentale, on doit immédiatement, dès aujourd'hui, fonctionner comme si on n'avait pas de problème financier. Ça ne veut pas dire qu'en vrai, tabarouette, on achète tout ce qu'on veut. Le riche ne fait pas ça. Non. On laisse de l'argent en banque ou du point de vue sécurité immédiate, mais notre but, si on veut arriver à gérer l'énergie financière, ce n'est pas de l'accumuler dans la banque. C'est de l'accumuler en biens. Et ces biens-là nous permettront de nous libérer et rencontrer des gens solides, des amis ou des compagnons, si on n'a pas de vrais amis. S'arranger, parce qu'on ne devient riche que si on est capable de travailler ensemble. On ne peut pas devenir riche autrement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça s'est prouvé dans les compagnies. Lorsqu'une compagnie commence à aller mal, bien, le patron décide de vendre des actions, des parts de la compagnie à ses employés. Lui reste le boss pour gérer, c'est lui qui est la tête. Les employés achètent des actions, ils ne peuvent plus faire de grève, ils sont propriétaires. Puis là, la compagnie se met à marcher. Puis tout le monde fait un peu plus d'argent. Mais quand le patron a dit simplement, « Bien là, il faut qu'on donne un coup, là, pour pas d'argent pour payer de temps supplémentaire, mais si on fait ça, on va pouvoir augmenter la... » Les employés qui sont maintenant des patrons, bien, vont dire, « OK. » Ils sont capables de donner leur coup de pouce, et là, on va devenir riche. Mais parce qu'il n'y a plus d'humains, ou presque plus d'humains capables de donner leur coup de pouce, pas être riche. La société, elle s'appauvrit. On est présentement en faillite. Hein? Il n'y a pas une société riche sur la planète. L'Angleterre, c'est en faillite depuis longtemps. Les États-Unis sont à la corde. Le Canada, il est tombé dedans, lui, avec, depuis un bout de temps. Ça ne dérange pas qu'on soit en faillite. Les faillites, c'est du papier, c'est faillite d'argent. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. La Chine n'avait pas une mot à dire de scène. La Chine est devenue l'une des grandes puissances mondiales. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait plus grand-chose, à part des petites bébelles qui se promenaient, qu'on appelle des radiations. Puis ils sont l'une des plus grandes puissances industrielles aujourd'hui, et financières. Pourquoi? Pour la simple raison que les Japonais avaient comme honneur le fait de travailler. Un Japonais au chômage, il ne peut plus se faire acquérir, mais c'est vraiment pas fort. Le taux de chômage au Japon est extrêmement, extrêmement, extrêmement, extrêmement bas. Puis ceux qui sont sur le chômage et qui travaillent pour trouver des jobs. C'est pas nécessaire de vivre comme les Japonais. Mais une chose qui est certaine, c'est que les États-Unis ne peuvent plus maintenir aucune concurrence internationale. Pourquoi? Parce que lorsque le Japon décide de rajouter telle ou telle ou telle ou telle nouveauté sur un automobile, ils le rajoutent. Les États-Unis, ils ne peuvent pas. Le syndicat est dans le pacte. Lorsque les Japonais décident qu'on met un robot à la place de trois gars, les trois gars, on va leur trouver d'autres jobs. Les trois gars, ils changent de job. On les recycle, ils vont apprendre à s'occuper des robots, qu'on met à leur place. Aux États-Unis, on ne peut pas, parce que le syndicat ne veut pas. Un robot ne rapporte rien au syndicat. Ce n'est pas les employés qu'on protège, c'est le syndicat qu'on protège. Alors, nécessairement, trois employés qui n'auront peut-être pas de paye, c'est trois primes de syndicales qui n'iront plus au syndicat. Puis on sait où ça va en arriver. À un moment donné, il va y avoir de moins en moins d'employés. Mais s'il y a de moins en moins d'employés, il risque d'avoir de plus en plus de robots. Et nécessairement, la société ne sera pas pauvre. Pourquoi? Bien, regardons ceci. Sommes-nous prêts à nous serrer la ceinture? Si moi, je perds mon emploi parce qu'on met un robot, le robot va travailler mieux que moi parce que lui, il ne se fatigue pas, il ne s'écœure pas, il n'est pas dépressif, il ne chicane pas avec la robot à côté. Il a la paix. Mais à un moment donné, moi, je n'ayant plus d'emploi, je ne peux plus acheter ce que la compagnie fabrique. Mais la compagnie qui fabrique, qui met tous des robots à la place des employés, elle vend au même prix. Parce qu'elle se dit, hey, moi là, m'a fait de l'argent, j'ai plus besoin de payer de salaire. Sauf qu'étant donné que si toutes les sociétés et toutes les compagnies feraient ça, les gens n'auraient plus d'argent, ça ne serait pas long que la compagnie fabriquerait pour rien. Elle fabriquerait des automobiles que personne ne pourrait acheter. Alors, elle baisserait le prix. Et puis, même si on a moins d'argent, on pourrait acheter la même chose. Il y aurait une nuance. C'est qu'on aurait une société de loisirs. On aurait des robots, on aurait la machine qui travaille pour nous autres, on aurait la matière qui travaille pour fabriquer la matière qu'on a besoin, puis nous, on aurait la paix. La seule chose qu'il y a, c'est que l'être humain qui est pauvre ne peut pas comprendre bien souvent ce que je dis. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, parce qu'il est très, très, très, très individualiste, le pauvre, il ne ramasse pas les scènes. Mais quand il voit une pièce traîner quelque part, il la ramasse en tabarnouche, un pied à cache, il n'y a personne la pièce. Ça vient non plus bien souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'être humain veut devenir plus riche, oh, vous provenez de un peu partout en région montréalaise, de Laval, de la Rive-Sud, et puis certains viennent de plus loin. Alors vous vous dites, oui, mais on ne se connaît pas. On est tous séparés, répartis partout. Comment on peut faire pour travailler, pour arriver à avoir quelque chose au niveau financier? Le problème, c'est que l'argent, il ne faut pas qu'on court après. C'est bien plate. Ça ne sert à rien à l'humain de ramasser énormément d'argent si la société ne peut plus lui fournir ce qu'il va vouloir acheter avec son argent. Ce n'est pas le cas encore, mais dans 10 ans, vous allez voir que ça va être le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain doit travailler pour que la société puisse toujours fournir. Il y aura toujours de l'argent après. Quand on a trop de chômeurs, on prend de l'argent et on leur crée des emplois. Quand il y a trop d'assistés sociaux, on prend de l'argent pour leur créer des cours. 5 passe-temps. Mais l'argent, il y en aura toujours. L'argent, c'est de l'invention humaine auquel on attache de la valeur. Avec ce que je viens de dire dans cette heure, bon, j'ai expliqué comment on peut arriver. C'est sûr que celui qui est un petit peu vite, bien, il a compris comment une personne peut arriver à être riche. Comme mon pauvre, créer des besoins. Ça, c'est une manière. Pas à la loterie, puis à la bourse, où se concentre sur les autres. Il y a moyen, il y a moyen. Mais le moyen le plus important, c'est de s'organiser pour qu'en tant qu'être humain dans une société, on fasse ce qu'il faut, que notre attitude s'organise pour que notre matière ne tombe pas à zéro au moment donné. On ne peut plus bâtir d'autoroute, ça coûte trop cher. Alors qu'avant, lorsque les sociétés étaient plus pauvres, on pouvait en bâtir des autoroutes. Parce que lorsqu'on était pauvre, on a pu bâtir énormément, on s'est donné une société brillante. Parce que maintenant, on veut de l'argent, elle est freinée dans son évolution, elle avance lentement. Depuis longtemps, elle avance lentement. Je vais continuer certaines choses lors de la deuxième partie. Si vous avez des questions plus précises sur ce que vous vous attendiez, vous les écrivez et on va y répondre. Des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi. On fait une pause.